À l'occasion de la journée de la brillante étoile, les rassemblements, les séminaires sur les exploits au Kim Jong-il, les conférences, les séances de lecture, les expositions de livres et séances de films ont eu lieu dans divers pays et les institutions régionales. Dans les salles de cérémonie étaient exposées les œuvres classiques du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un et les livres coréens. À la séance de films, on a projeté le documentaire coréen « Trésor éternel à l'éloge du soleil ». Y ont pris part en Mongolie les personnalités du jardin d'enfants Kim Jong-il, de l'école normale Korwang Erdene et du Centre de l'amitié et de la culture avec la Corée, du comité préparatoire serbe pour la journée de la brillante étoile, du mouvement national de résistance ougandais, du comité exécutif national ougandais du mouvement panafricain, du comité national ougandais pour l'étude des études du Jutsu, de l'université Makelele, de l'école primaire Kitande de la ville de Kampala, et du comité préparatoire régional africain pour la célébration de la journée de naissance de son excellence Monsieur le généralissime Kim Jong-il et des habitants. Aux cérémonies tenues en Mongolie, on a adopté des messages de félicitations à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.